Alors, il y a une chose qui semble tout à fait claire aujourd'hui, c'est que l'atmosphère de la planète, surface de notre planète, se réchauffe. On a gagné, pas tout à fait un degré, mais à peu près depuis le début du siècle, même depuis les derniers 50 ans. Et quel est l'effet de ce réchauffement? Eh bien, tel que l'avaient prévu les modèles mathématiques, c'est une déstabilisation du climat. Cela produit plus de tempêtes, plus de sécheresses, plus d'événements catastrophiques, et on peut penser que cela va se poursuivre. D'autant plus que ce réchauffement de la planète, nous le savons, est largement dû à des activités humaines. Quelle activité? Simplement l'émission de gaz carbonique par les voitures, par les chauffages urbains, par l'industrie. Nous savons également que le gaz carbonique dans l'atmosphère a augmenté d'environ 30% depuis le début du siècle. L'industrie humaine a dégagé quantité de gaz carbonique qui est équivalente, qui a augmenté la quantité qui était déjà là d'environ 30%. Et les prédictions que l'on peut faire, les meilleurs scénarios, même dans les conditions les plus optimistes, nous amènent à penser que d'ici dans 2050, on aura doublé la quantité de gaz carbonique. Et ce doublement aura pour effet une augmentation de la température qui sera entre 3 et 6 degrés. Ça, c'est vraiment redoutable.